suis un citoyen, ça ne veut pas dire que je soutiens le gouvernement. Et je ne pense pas qu'il représente le peuple correctement. Au contraire, il cherche plutôt à le déstabiliser, à le manipuler. Je parle des gens qui squattent l'Elysée et qui nous divisent par un processus bien planifié. Je t'avouerai qu'à l'heure actuelle, je ne sais plus à qui me fier. Parlons de la droite et de sa loi sur le regroupement familial. En apparence du social, les étrangers trouvent ça génial. Parqué dans des cités en nombre majoritaire, puis la précarité fera le système inégalitaire. Parlons de la gauche et sa politique de victimisation, créant l'esprit communautaire, un clash des civilisations. Maintenant on assiste à des conflits, puis à de l'intolérance, à la montée de la racaillerie, puis à de la délinquance. Et oui, racaille et raciste sont fruits du conditionnement, mais le piège était bien préparé et tendu depuis longtemps. Mais maintenant ils arrivent à raviver des tensions, le port du voile, la viande halal qui nous détourne des bonnes questions et qui nous pousse à nous monter les uns contre les autres, car ils y voient leurs intérêts qui passent avant les nôtres. Black, blanc, beurre, il n'y a pas de race supérieure, chacune solo d'enculé, cependant on peut devenir meilleur. Alors arrêtons d'être con avec cette haine raciale, j'appelle au respect, à la réconciliation nationale. Il est temps qu'on accepte d'entendre des vérités qui gênent, qu'on se pose les bonnes questions qui pourront briser nos chaînes. Il ne faut plus avoir peur de se mettre à réfléchir et d'encaisser des réalités qui peuvent faire fléchir. Je vous propose une remise en cause de votre condition, n'y voyez aucune violence, pacifiquez mon action. Préparez-vous, je dévoile l'illusion de vos convictions, une révolution par la pensée censée amener une réaction. Il est temps qu'on parle intérêt, qu'on parle des conséquences, car plus je me renseigne, moins je crois aux coïncidences. Un chaos économique provoquant un chaos social forcerait l'État à s'enfoncer dans l'Europe fédérale. Depuis le traité de Lisbonne, les États sont plus endettés, au moins de souveraineté, et c'est le peuple qui va meurfler. Les deux ailes de l'UMPS veulent ce cycle primordial pour le but final qui reste le nouvel ordre mondial. Mais il n'y a pas qu'en France que marche la machine infernale, le Proche et le Moyen-Orient subissent la foudre occidentale. L'OTAN voudrait libérer les peuples si présents de dictateurs sanguinaires qui seraient très oppressants. Ils parlent d'agir au nom de l'homme, de la démocratie. Dans ce cas, pourquoi la Syrie reçoit le soutien de la Chine et de la Russie? Car US, Qatar, Israël ont un plan plus consistant, piller les riches et s'éliminer ces bastions résistants qui s'opposent ouvertement à l'installation de ce système, à l'impérialisme sioniste, à la mise en place du NOM. Et tous les moyens sont bons, entre attentats, agressions, utilisation de mercenaires s'en prenant à la population. Et la dernière quenelle est de faire porter le chapeau au gouvernement dont on veut faire tomber le drapeau. Et non subi par les médias, un surplus d'informations désorientant la réflexion et orientant notre opinion. Il est temps qu'on accepte d'entendre des vérités qui gênent, qu'on se pose les bonnes questions qui pourront briser nos chaînes. Il ne faut plus avoir peur de se mettre à réfléchir et d'encaisser des réalités qui peuvent faire fléchir. Je vous propose une remise en cause de votre condition, n'y voyez aucune violence, pacifiquez mon action. Préparez-vous, je dévoile l'illusion de vos convictions, une révolution par la pensée censée amener une réaction. Alors qui serons-nous? De stupides consommateurs, tous fichés, conditionnés par la propagande du 20h, subissant le totalitarisme de la gouvernance globale, orchestrée par des lobbies, des banques, des multinationales. Ou bien serons-nous les résistants de demain, ceux qui ont décidé de prendre leur destin en main, qui seront considérés comme des fous ou des antisémites parce qu'ils auront osé s'opposer à l'emprise de ces élites? Il est temps qu'on accepte d'entendre des vérités qui gênent, qu'on se pose les bonnes questions qui pourront briser nos chaînes. Il ne faut plus avoir peur de se mettre à réfléchir et d'encaisser des réalités qui peuvent faire fléchir. Je vous propose une remise en cause de votre condition, n'y voyez aucune violence, pacifiquez mon action. Préparez-vous, je dévoile l'illusion de vos convictions, une révolution par la pensée censée amener une réaction.